Les médecins croyaient pouvoir redonner la vue à cet aveugle qu'ils venaient d'opérer. Mais, hélas, je l'ai visité là à l'hôpital. Terrible, après l'espoir, constater le désastre, aveugle pour le reste de la vie, quelle tragédie! Écoutez plutôt. C'est à la suite d'une subite maladie que Marie-Clémentine avait perdu la vue et presque la vie. La mort paraissait imminente et elle avait demandé les sacrements de l'Église. Cependant, elle a eu la vie sauve, mais avec bien des problèmes dont le plus grave, la cécité. Quel chagrin pour sa sœur qui l'entourait de ses tendres soins. Quelqu'un leur a dit alors que la maladie devait être l'effet d'une sorcellerie. Il fallait conjurer le mauvais sort, croyances et coutumes courantes en Amérique du Sud. Aussi ces deux sœurs sont-elles allées partout et ont-elles tout fait pour que l'aveugle soit délivré du sort jeté contre elle et donc du mal physique. Mais en vain. Aucun soulagement, pas de guérison. Jusqu'au jour où, invitées à une réunion, elles ont entendu parler du Fils unique, envoyé par le Père et offert en don au monde. Auparavant, les deux sœurs avaient pourtant sincèrement cherché la délivrance. Oui, mais malheureusement au mauvais endroit. Mais Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors, vous demandez-vous, est-ce qu'elle a été guérie? De la cécité physique, non, mais de l'aveuglement spirituel, oui. Elle est heureuse, elle lit la Bible avec les mains, et elle fait partie de ces centaines de milliers de croyants qui tous les jours écoutent la bonne nouvelle par les ondes. Quelle rencontre avec Jésus! Mais je voudrais maintenant vous parler d'une autre femme qui a rencontré Jésus. L'Évangile ne donne pas son nom, seulement son origine, Syro-phénicienne. Vous trouverez son histoire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 15 et dans celui de Marc au chapitre 7. Ce récit m'impressionne profondément et je pense qu'il contient des clés pour bien des situations. Considérons ensemble le cas de cette femme que je crois être la plus hardie parmi toutes celles qui nous sont présentées dans l'Évangile. Elle était païenne, bien que possédant très probablement des connaissances de la religion juive. Le Seigneur Jésus, dont la renommée augmentait, se trouvait dans une maison où il aurait désiré rester incognito. Mais cette femme, oppressée par la souffrance de sa fille, ayant appris que Jésus était dans la région, a tout fait pour le rencontrer. Sa douleur l'a poussée à chercher cette maison. Et bien qu'elle n'était pas invitée, elle a voulu voir ce Seigneur merveilleux à qui rien n'était impossible. Elle cherchait de l'aide, la délivrance pour sa fille, et rien ne pouvait l'empêcher de le trouver et de se jeter à ses pieds. Quel acte de foi! Quelle audace! Non, ce n'était pas un vague espoir, mais une certitude inébranlable qui l'a fait s'exclamer. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » La foi, elle l'avait. Mais combien celle-ci a été mise à l'épreuve! Chose étonnante, déconcertante même, Jésus ne lui répondit pas un mot. Étrange, n'est-ce pas? Y aurait-il parmi nos auditeurs quelqu'un qui se trouve dans une situation semblable? Tourmenté personnellement ou par la souffrance d'un être bien-aimé? Vous aussi, vous cherchez de l'aide, vous priez, mais pour le moment, comme pour cette femme, c'est le silence. Il y a encore un autre fait aggravant, moins étonnant, il est vrai, mais aussi troublant. C'est l'attitude des disciples. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Y a-t-il quelque chose de plus triste que d'être repoussé par les disciples de Christ ? seriez-vous ulcérés parce que ceux que vous considériez en quelque sorte comme les représentants de Jésus-Christ vous ont repoussé? Vous dites que vous ne voulez plus rien savoir. Mais, chers auditeurs, réfléchissez un instant. Qui est perdant dans cette situation? N'est-ce pas vous? Vous qui avez besoin d'aide, qui avez besoin du Seigneur? Ne boudez pas. Faites plutôt comme cette femme. Insistez auprès du Seigneur. Priez comme elle a prié. Seigneur, secours-moi. Mais la bataille n'était pas encore gagnée, puisque Jésus s'adresse à elle dans un langage figuré. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En parlant des enfants, le Seigneur fait allusion au peuple d'Israël. Les petits chiens, ce sont les païens. N'attribuons pas au Seigneur des sentiments racistes, mais comprenons plutôt la priorité de son ministère auprès du peuple juif. Plus tard, il donnera à ses apôtres l'ordre exprès de prêcher la bonne nouvelle par tout le monde et à toute la création, de faire des disciples de toutes les nations. Mais pour l'heure, le Messie doit s'adresser d'abord au peuple juif, héritier des promesses de Dieu. Ô femme, combien ton intelligence est grande, combien il y a de sagesse et d'humilité dans ta réponse. Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle n'est pas vexée, elle ne boude pas, elle veut du secours, donc pas de place pour son amour propre. Elle comprend l'image que Jésus emploie, elle ne prétend pas vouloir pour elle le pain. Elle prend sa place de petit chien, mais insiste et complète en quelque sorte l'image du Seigneur en ajoutant que les petits chiens mangent les miettes. Elle serait donc pleinement satisfaite d'en recevoir quelques-unes. Elle tient à ses miettes, elle veut le secours, elle ne partira pas à vide. Quelques miettes suffiront pour résoudre son problème. Chers auditeurs, réfléchissons. Combien peu de personnes sont prêtes à imiter cette femme? On s'offense, on se ferme sur soi-même et on périrait dans sa douleur plutôt que de s'humilier. Le Seigneur ne nous traite pas de petits chiens, mais il nous invite à prendre devant lui notre place de pécheur perdu sans mérite. Car tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Il n'y a point de juste, pas même un seul, Romains 3, 10. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, Romains 3, 20. On se choque à ce genre de déclaration biblique. On n'est pas prêt à prendre la place du pécheur perdu et à dire simplement, comme cette femme étrangère, « Oui, Seigneur ». Elle ne méritait rien, mais elle était sûre que le Seigneur ne la renverrait pas à vide. On raconte qu'un prince allemand a visité un jour une flotte de galères en France. Les rameurs étaient des condamnés. Le commandant français, pour honorer son hôte, lui a dit qu'il pouvait libérer un de ses galériens, celui que bon lui semblerait. Alors, allant de l'un à l'autre, l'hôte distingué s'est enquis de la raison de leur condamnation. Quelle ne fut pas sa surprise de les entendre, l'un après l'autre, clamer leur innocence. L'Allemand a quand même continué son enquête. Et ainsi, il est arrivé vers un condamné qui a reconnu combien il était misérable et malfaiteur, ajoutant même que toute sa vie sur la galère ne suffirait pas pour expier ses méfaits. Alors le prince appela le commandant français et lui dit « Libérez celui-ci, afin qu'il ne contamine pas tous ces innocents qui l'entourent. » Eh oui, on n'est libéré que lorsqu'on prend sa place de coupable. Il n'y a pas de dû du côté de Dieu. Tout est grâce et miséricorde. C'est ce qu'a expérimenté la femme syrophénicienne. elle a pris la place sous la table. Et elle fut exaucée. Sa foi admirable et merveilleuse a triomphé. C'est à cause de sa foi qu'elle a eu l'immense joie d'entendre les paroles du Sauveur répondant à son appel au secours. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. « Cherchez-vous du secours, pour vous personnellement ou pour une tierce personne ? Vous cherchez la délivrance ? Vous n'êtes pas sûr du salut de votre âme ? Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Venez avec hardiesse, ne vous laissez pas arrêter, ni par un silence momentané du ciel, ni par des disciples incompréhensifs. Faites comme cette femme, persévérez.